ce que d'aucuns appelleraient suite de la queue du chat. Hélas, dit en bâillant le sultan fort judicieux, voilà un sot conte que tu me fais, et le plus invraisemblable de tous. Ô Scheherazade, tu ferais bien mieux de me frotter la plante des pieds. Merle, la 1002e nuit. J'étais mollement étendu dans une grande bergère au coin du feu, et tout en attendant mes deux amis, je songeais délicieusement à la perte de Minette, moins délicieusement peut-être à la fureur de ma grand-tante, et avec une sorte d'inquiétude à l'air piteux qu'il me faudrait feindre pour lui prouver le chagrin que j'étais bien loin de ressentir. Cette dernière chose surtout me coûtait infiniment. J'en étais presque à me décider quel danger je dus courir à laisser éclater toute ma joie. Et vous savez, je vous l'ai dit quelque part, que ma grand-tante Abigail avait 75 ans, un asthme et 100 000 livres de rente. Lorsqu'une réflexion vint à traverser mon cerveau, quelle serait désormais la bête qui pourrait remplacer celle que je venais si méchamment de mettre à mort, quadrupède ou bipède, n'importe, il en fallait une. Et tout naturellement, un mien cousin, étudiant en droit, se présenta à mon esprit. Très serviable, très bavard, très soumis, très souple, très simple même, Numa était un être précieux. J'aurais même pensé à en faire mon mari dans la suite, sans une certaine incommodité à lui particulière, incommodité très désagréable en ménage, mais fort utile pour l'usage auquel je voulais maintenant l'employer. Jugez-en. Numa écoutait aux portes. C'était son plaisir, son bonheur, sa principale occupation. Et cette incommodité, ainsi que je l'appelle, le mettait souvent à même de voir et de raconter des histoires véritables, fort plaisantes. Et pour ma grand-tante qui les aimait tant, ma grand-tante, à qui il en fallait quotidiennement 2 par jour, quelle trouvaille! Et pour moi, qui étais obligée de les inventer, ces 2 histoires véritables, quel soulagement! Je frappais de joie dans mes mains à cette bonne idée. Bientôt on sonne. Ce sont mes amies, Clarisse, Adeline. Mais elles sont pâles, tremblantes, et n'ont, en entrant dans le salon, que la force nécessaire pour se laisser tomber dans un fauteuil. Je m'empresse autour d'elles, j'enlève leurs pelisses de laine à carreaux rouges et noirs, je dénoue leurs palatines de cygne blanc, je défais leurs chapeaux, et je vais même jusqu'à déboucler leur socle avant qu'elles aient recouvré la voix. Il devait leur être arrivé pour cela d'étranges aventures. Je m'informe. Clarisse, plutôt remise que sa sœur, prit la parole. Jean était sorti, mais l'envie extrême que nous avions de venir passer la soirée avec toi a fait que nous nous sommes hasardés seuls pour la première fois de notre vie dans les rues de Paris. Nous avions atteint le milieu de la rue Chantraine sans rencontre, lorsqu'en passant devant la rue Saint-Georges, près de l'égout, voilà que nous voyons un homme qui avait l'air d'un vrai maniaque. Il courait, puis s'arrêtait, puis tournait sur lui-même, puis il recommençait à courir, à s'arrêter, à tourner. Ma foi, la peur nous prit, nous nous collâmes contre la muraille et ne reprîmes notre route que lorsqu'il fut hors de notre vue. Arrivés au haut de la rue Lafitte, tu sais qu'il y a là une place où l'on bâtit une église. Eh bien, là, nous retrouvâmes le maniaque. Pour l'éviter, nous prîmes, comme on dit, nos jambes à notre cou, et nous atteignîmes enfin ton hôtel. Juge de notre peur, l'homme nous avait suivis. Nous frappâmes à coups redoublés. Sans doute cela l'impatienta, car il murmura des paroles bizarres, qui d'abord nous firent rire, puis il se jeta sur Adeline, la prit à la gorge. Heureusement, sa palatine l'a sauvée. À ce moment, on a ouvert, et l'homme est tombé tout de son long sur le seuil de la porte, où probablement il est encore. Comme Clarisse finissait de parler, un cri aigu se fit entendre. Il venait de l'office. Nous y courûmes. Beaucoup de gens y étaient agglomérés. Personne ne nous vit entrer, tant tout ce monde paraissait absorbé par un seul objet. Et cet objet était Thomas. Assis sur une chaise, la figure pâle, livide, les yeux hagards, Thomas racontait à ses camarades une histoire qui devait être terrible, à en juger par la manière dont chacun l'écoutait. Bientôt, il cessa de parler, un grand silence s'ensuivit, l'auditoire paraissait terrifié par ce récit effrayant. Debout, la bouche béante. Aucun n'osait regarder devant lui, crainte de rencontrer la figure convulsionnée de Thomas. Aucun n'osait se retourner, de peur de voir le diable derrière soi. J'avais laissé la porte de l'office ouverte. Tout à coup, dans la profondeur du corridor, s'élève un gémissement. C'est presque comme un miaulement de chat. Un cri d'horreur de chacun des assistants y répond. Tous les regards se tournent vers cette porte ouverte. Le gémissement continue, il approche. Un museau paraît à l'ouverture de la porte. Deux yeux suivent, puis la tête, le corps, quatre pattes, c'est Minette. Voyant tout ce monde, la pauvre bête s'arrêta. Craintive, elle semblait leur demander grâce, leur dire « ne me faites pas de mal ». Et les autres, qui formaient un peloton au milieu de la cuisine, se séparèrent involontairement, laissant une place libre au milieu d'eux. Alors Minette s'avança, non plus fière, superbe ainsi qu'elle l'était encore le matin, mais humble, mais piteuse, la tête basse, le ventre rasant la terre, et laissant après elle une longue traînée de sang. Hélas, moi aussi l'effroi me gagna, j'eus peur, toutefois il m'était facile de nier mon crime, de dire que j'étais innocente. On ne pouvait me répondre ces paroles mémorables et historiques d'une certaine bonne d'enfant à une petite fille. « Taisez-vous, menteuse, la queue du chat m'a tout appris. » Car Minette n'avait plus de queue. Cette aventure tragique fit beaucoup de bruit dans le quartier. En compensation d'une queue fort belle à la vérité, Minette acquit une célébrité que bon nombre d'auteurs, moi toute la première, lui envient bien certainement. Et Minette l'invalide, Minette la favorite de ma grand-tante, Minette dont la douceur et la bonté étaient sans exemple, Minette qui griffait les gens avec une grâce toute particulière, Minette encore plus laide sans queue qu'avec sa queue, Minette que vous verriez si vous veniez me voir, Minette est devenue un personnage d'importance. À l'office surtout, on la respecte et la craint, ni plus ni moins que le choléra. J'ai dit choléra, faute d'un autre mot, car en vérité, dans ce siècle d'incrédulité, je ne sais ce que l'on craint, ni ce que l'on ne craint pas. Je ne sais pas même ce que l'on veut. Beaucoup de gens, et de ceux qui crient le plus haut, sont comme moi, j'imagine. Tant il y a enfin que, voyez la prévention, d'aucuns m'ont soutenu que ces deux histoires n'en faisaient qu'une. Anathème, anathème. Il est vrai qu'il y a des gens qui ne croient à rien et qui font de tout un système. Matérialistes jusque dans l'âme, ils se refusent à l'évidence. Ils nient Dieu parce que Dieu n'est pas à leur portée, parce que Dieu est une essence divine que leur essence terrestre ne conçoit pas. Parce que s'ils ne voyaient pas le soleil, ils nieraient sa chaleur bienfaisante. Je les plains. Heureux ceux qui croient, soit en Moïse, Jésus ou Mahomet, n'importe, les noms n'y font rien, il ne s'agit de s'entendre que sur la chose. Moi, je l'avoue, dans la simplicité de mon âme, plutôt que de ne croire à rien, j'aimerais mieux croire au diable. C'est ce que fit Thomas. Je vous conseille d'en faire autant. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir ce qui s'ensuivit de cette soustraction faite à la chatte de ma grand-tante, faites-le-moi savoir, s'il vous plaît.